C'est le boss de cette maudite ville de Chris de Marde. Là du bacon, ça n'a pas de bon sens. J'avais ce qui t'aide. Il vaut des milliards de piastres d'actex. Donc le Scrooge se prend sur cette tune d'actex. Scal is de tout avec son camail d'actex. Couche pas, couche dégueu, pas chez le bonhomme. Qu'est-ce que c'est sur un œuf? Il y a un support. En suivant ces trois neveux d'actex. Entre dans la bande de Scrooge d'actex. On veut plus être des pisses chicken d'actex. Nous voulons rentrer dans la bande à Scrooge. C'est le boss de cette maudite ville de Chris de Marde. Là du bacon, ça n'a pas de bon sens. J'avais ce qui t'aide. Il vaut des milliards de piastres d'actex. Donc le Scrooge se prend sur cette tune d'actex. Scal is de tout avec son camail d'actex. Couche pas, couche dégueu, machine bonhomme. Qu'est-ce que c'est sur un œuf? Qui a le support? En suivant ces trois neveux d'actex. Entrons dans la bande de Scrooge d'actex. On veut plus être des pisses chicken d'actex. Nous voulons entrer dans la bande à Scrooge.